Chez moi, il est 6 heures, mademoiselle Marie. L'Angélus sonne en ce moment même au clocher de Gunsbach. Et ma petite fille se retourne en dormant. Ici, il est minuit. Et il faut vous coucher. Écoutez. De bûcheron, de charpentier. De chirurgien. Oh, plus des mains d'organiste. Et moi, ai-je seulement encore un visage? Un visage de femme. Vous regrettez. Mais non. Il faut retourner en Europe, mademoiselle Marie. Si, si. Je ne volerai jamais une minute à personne. Le temps des autres est sacré. Promettez-moi, mademoiselle Marie, que si votre vous... Votre temps aussi est sacré, il est déjà plus de minuit. Alors, laissez-moi encore 16 mesures de Bach. C'est une façon pour moi d'arrêter le temps. Enfant? Enfant malade? C'est un enfant malade, mais je n'ai pas entendu le début du message. Vous voyez, il faut veiller. Vous n'êtes pas heureuse ce soir. Allez, travaillons, mademoiselle Marie. Voulez-vous du jus de fruits? Non, merci. L'université de Strasbourg vous demande la date de votre retour et confirme qu'elle garde votre chaire vacante. Écrivons au recteur qu'il ne le faut pas, que jamais je ne reviendrai. C'est fini tout cela. Quoi d'autre, mademoiselle Marie? Votre éditeur a reçu 9 demandes de traduction pour vos livres sur Saint-Paul. Oui, tout ce qu'il voudra, j'ai confiance en lui. Et puis? Cette proposition de récital d'orgue a donné à Amsterdam, Stockholm, Édimbourg... Pour l'hiver prochain? Oui. Acceptez tout, il nous faut de l'argent. Je veux 2 baraques de plus avant l'été 1915. Petite chirurgie et aliénée. Voici justement des dons. Ça, que deviendrions-nous sans les amis d'Europe? Pour moi, il y a ceux qui payent de leur argent et ceux qui payent de leur personne. Pour moi, il y a ceux qui ont mauvaise conscience. Et puis ceux qui sourient. C'est un peu la même chose. Ah, mais non, puisque vous ne souriez pas. Allons, mademoiselle Marie. Qu'y a-t-il? Je suis comme la forêt, comme l'Afrique tout entière vers le soir. J'attends la tornade. J'étouffe. Mais la tornade est passée. La terre a bu profondément et les arbres ont frais jusqu'au cœur. Heureux les arbres. Demain, le soleil recommencera de les torturer en silence. L'Afrique assoiffée souffrira, mais vous, vous aurez retrouvé l'action. Et vous oublierez la nuit détestable. Un peu trop nerveuse pour ce climat. Mais vous aussi, docteur. Vous avez renversé du jus de fruits, là. Ah oui, mais moi, je l'ai fait exprès. Pourquoi donc? Écoutez. Non, j'avais cru. Oui. Et voilà l'Afrique. On croit toujours, et ce qu'on n'entend pas, c'est cela qui est vraiment dangereux. Allez, allez dormir, mademoiselle Marie. Non, pas ce soir, non. Je ne pourrais pas. Ah! Les petits-enfants, trop énervés pour s'endormir, on leur fait des contes. Alors, quelle histoire vous raconterai-je? C'est ma première intervention, tenez, le soir même de notre arrivée. Le malade est tendu sur 2 caisses, dans le poulailler, là, transformé en salle d'opération. La lampe à huile qui fumait. Et ma femme qui m'assistait, en tremblant un peu. En tremblant? Ah oui. Car il y avait 8 paires d'yeux blancs qui nous cernaient dans les ténèbres et qui suivaient chacun de nos gestes. 8 guerriers m'fans armés et emplumés comme des coqs de combat. Et l'opération a réussi. Oh, ben, sans quoi nous ne serions pas ici. Cette nuit-là, j'ai battu tous les sorciers de la grande forêt. Dans la nuit, les tam-tams répandaient la nouvelle. À l'aube, on arrivait en pirogue par familles entières. Et depuis le débarcadère, on criait déjà mon nouveau surnom. Chinda. Chinda? Oui. Celui qui coupe bien. Et quel surnom me donneriez-vous à moi? Balua. Celle qui n'a pas encore choisi. Connaissez-vous aussi des remèdes pour l'âme, docteur? Oui, en voici un qui m'a préservé jusqu'à ce jour de mes 40 ans. Jamais je ne me suis soumis à la nécessité d'être un homme raisonnable. Quoi? Oui, je l'avais juré dans ma jeunesse. J'entendais les grandes personnes parler de leur idéal et de leur enthousiasme comme d'enfants qui seraient morts. La terreur m'a saisi de leur ressembler un jour. Alors, j'ai résolu de traverser la vie avec une âme intacte. Et cela vous a donné le bonheur? Nous sommes seuls en pleine brousse. Et pourtant, j'hésite à vous confier cette vérité que j'ai mis tant d'années à accepter. Le bonheur n'existe pas. Je ne vous crois pas. Vérité qui s'apprend, mais ne s'enseigne pas. Et moi, je suis sûre que le bonheur existe. Oui. Mais si vous êtes digne de lui, vous comprenez alors que vous n'y avez pas droit. Qu'il vous faut assumer une part du fardeau de la douleur du monde. Alors, vous abandonnez le bonheur et vous choisissez la joie. Et c'est donc la joie de laisser sa femme et son seul enfant en Alsace. D'y laisser aussi sa paroisse, sa chaire à l'université et la certitude de devenir un jour le premier organiste d'Europe. C'est ça la joie? Je vous répondrai oui. C'est la joie. Mais j'ajouterai que le rôle d'une infirmière n'est pas de rouvrir les plaies. Je vous demande pardon. Mais n'attendez de moi aucun ménagement. Les grands blessés entre eux... Bon, blessés. Oui. Figurez-vous que je viens de rencontrer une évidence. Rien de plus blessant qu'une évidence. On ne vit qu'une fois. Oui. Je le croyais aussi, jusqu'à ce que cette petite fille me soit née. On ne vit qu'une fois. Je le savais déjà, bien sûr. Lorsque sa mère meurt, on sait qu'on reste orphelin. Mais c'est le lendemain matin seulement qu'on le comprend. On ne vit qu'une fois. Maintenant, c'est fait. Le cancer du temps s'est fixé en moi. Cette montre à mon poignet, c'est mon vrai pouls qui bat. On ne vit qu'une fois. Et justement, vous vous demandez si vous ne perdez pas votre vie ici. Si je ne la perds pas, simplement. Oh, alors rassurez-vous. C'est à cette question qu'il se pose qu'on reconnaît ceux qui ne perdront jamais leur vie. Non, ceux qui seraient capables de ne pas la perdre. Jamais je ne me pardonnerai. Alors Dieu vous pardonnera, lui. Bon, tenez, venez voir pourquoi j'ai renversé du jus de fruits tout à l'heure. Oh, toutes ces fourmis rouges! Oui, ce sont mes vaches de l'abreuvoir. Depuis la forêt, elles ont senti le sucre, elles viennent en bonheur. C'est horrible! Non, non. Ou magnifique, ou grotesque. Comme une armée, ou une procession, mais... pas horrible, en tout cas. Rien de vivant n'est horrible. La mort seule. La mort des autres. Voilà. Regardez, mes trois gouttes sont pompées, mes fourmis s'en retournent. J'aime mieux ça que de les voir prendre le chemin du poulailler, étouffer nos poules en leur bouchant les narines et le bec et les dévorer en quelques instants. Trois nuits par an environ, elles nous donnent cette alerte. Ce pays est trop inhumain. Écoutez. Quelqu'un approche. Je n'ai rien entendu. Ne vous effrayez pas. Je vous l'ai dit. Ici, ce qu'on n'entend pas, c'est ça qui est vraiment dangereux. Je n'ai rien entendu. Il faut d'avance aimer l'inattendu. Mademoiselle Marie. Un jour... un visage s'encadrera dans une porte. Vous entendrez la parole d'un inconnu et votre vie trouvera son sens d'un seul coup. Allons donc. Une vie valable ne doit rien au hasard. Mais toute grande vie naît de la rencontre d'un grand hasard. Père Charles. Je savais bien que vous ne dormiez pas. Quand j'ai entendu le message, démon, enfant malade, j'ai couru. Il s'apprêtait à l'égorger, Spitzer. Il le croyait fou. Épileptique? Sans doute. Oh, même pas. C'est une crise nerveuse provoquée par cet abcès au bras. Je vais l'opérer. Tout de suite? Couchez-le à côté, mademoiselle Marie, un calmant et la toilette du bras. Joseph et Bronzo m'assisteront. Mais je pourrais moi-même... Non. Il faudrait tenir l'enfant sans aucune tendresse. Et je ne peux pas compter sur vous, Dieu merci, même ce soir. Mais ensuite, vous le consolerez mieux que personne. Ah, quel échec, Perchard. 2 ans que nous sommes ici, vous et moi, et l'on y sacrifie encore des enfants malades. Quel échec. Deux ans, bien sûr. Mais que de siècles avant nous, et combien d'autres devant nous. Ah non, Perchard, non. Non, il ne me suffit pas que le règne de Dieu soit en marche, je veux qu'il arrive plus vite. À quoi est-ce que je sers? Ce n'est pas vous qui agissez trop peu, Schweitzer. C'est moi qui prie mal. J'ai monté 30 baraques, 300 lits, 100 couchettes, et voilà. Pour une région 10 fois grande comme l'Alsace. Avant, il n'y avait rien. Un jour, il y aura des hôpitaux modèles, des dispensaires partout. Ouais. Mais aujourd'hui, Père Charles, c'est aujourd'hui seul qui m'intéresse. C'est terrible protestant, hein? Voilà ce que vous pensez de moi. Non. Je me demandais comment vous me jugiez, Schweitzer, vous qui abattez, construisez, travaillez nuit et jour. Moi qui passe des heures couché au pied du Saint-Sacrement. Il faut bien du courage quand les corps sont si misérables pour penser d'abord aux âmes qu'ils sont plus encore. Moi, je ne le pourrais pas. Vous êtes trop généreux. Oh. Dans mon village de Gunsbach, Perchard, il n'y a qu'une seule église. Elle sert aux catholiques comme aux protestants. Alors la querelle de la foi et des œuvres, vous savez. Chacun de nous est allé au bout de son chemin. Au départ, nous nous tournions le dos. Oui. Et nous nous retrouvons face à face, de l'autre côté de la terre, à mi-chemin de notre vie. Face à face, impuissant et navré. Ah, pourquoi n'y a-t-il que les tyrans et les milliardaires pour aller jusqu'au bout de leur dessein? Je croyais avoir rencontré le seul homme que le désespoir n'atteignit jamais. Ce qu'il est minuit, père. L'examen de minuit. Je le soutiens seul, d'habitude. Je me place devant cette carte de l'Afrique que je garde ici par humilité et où nous ne figurons que par cette épingle plantée. Cette épine plantée dans le grand corps sauvage qui finira par en avoir raison. Ah, monsieur l'administrateur Leblanc rirait beaucoup s'il nous entendait. Et le commandant Lieuvin aussi. Pas du même rire. Vous connaissez le commandant? Je ne l'ai pas encore rencontré ici, mais nous étions à Saint-Cyr ensemble. Pourquoi souriez-vous, Schweitzer? Oh, vous, à Saint-Cyr... Ne me parlez pas de ce temps-là. Et lui, était-il déjà le fastueux, l'impérieux, Lieuvin, le constructeur? Il avait déjà besoin d'une énorme ration de faits, de décisions, de matière humaine à broyer. Il disait, je suis un homme d'action, et il se jetait dans la minute présente avec toutes ses forces. Il jouait tout sur une carte, Lieuvin. Et... possédait-il déjà cette unique faiblesse, le besoin d'être aimé, approuvé? Oui. C'était l'une de ses 2 merveilleuses faiblesses. Et la seconde? Le secret de sa réussite. Une prodigieuse aptitude à l'ennui. Oh, l'ennui, Lieuvin? Un ennui qu'il tuerait net s'il cessait d'agir. Agir? Moi, c'est à 30 ans seulement que le dégoût de la parole m'a saisi. Pour vous, l'action est le contraire de la parole? Oui. Le seul. Non, j'ai dit. Le contraire de la parole, c'est aussi le silence. Vous maigrissez, père. Allons donc, les arbres ne maigrissent pas. Non, mais je m'excuse de vous parler de ça, mais vous maigrissez. Je crains que vous ne vous imposiez des privations. Non. Et des mortifications excessives. Le corps est un bon compagnon, père. Ménagez-le. C'est un valet gourmand, paresseux. Oui, mais fidèle jusqu'à la mort. D'ailleurs, je crois que... la meilleure mortification serait justement de sacrifier vos mortifications. Ne me demandez pas cela. Ben, je crois bien que si, justement. Allez, venez avec moi, je vais vous examiner. Oui, mais après mon petit malade... Oui, mais si vous me jurez de ne pas partir, Père Charles, vous souriez sans cesse, pourquoi? C'est ma seule arme. Laissez-la moi. Une arme à deux tranchants. Je sais que cela peut irriter, mais l'irritation peut être salutaire. Quand l'huile ne vient pas à bout d'une serrure, on emploie l'acide. Vous m'avez demandé pourquoi je souriais. Puis-je vous demander pourquoi vous ne souriez plus? Mon père, est-ce que vous pensez aussi que l'on n'a pas droit au bonheur? Le bonheur passe comme un souverain dans un défilé. Nous l'attendrons longtemps. Soudain, votre cœur bat plus vite. Ah, trop tard. Il est passé. Le bonheur ne se laisse voir que de dos. Et alors, ils sont faux, tous les contes qui finissent bien? Ils s'achèvent toujours au seuil du bonheur. Une page de pluie, tout s'écroulerait, ou pire, s'userait. Non! Il durerait, le bonheur, si vous ne le chassiez pas. Nous? Des gens comme le docteur et vous, oui. Certains d'avance qu'on ne peut pas retenir le bonheur, ou qu'on n'y a pas droit. Et cependant, le temps passe. C'est une question bien. Il y a longtemps, je me suis trouvé face à face avec un étranger. Devant ses yeux inquiets, je me suis dit, que puis-je faire pour ce vieillard? Je lui ai tendu la main. J'étais devant une glace. Eh bien, moi, je me regarde matin et soir dans un miroir. Et je veux être heureuse, vite! Mais n'êtes-vous pas heureuse ici? Non, père! Je vous assure qu'on peut être en paix avec soi-même, et avec les autres, et avec le ciel, et n'être pas heureuse. C'est sans doute que nous n'aurons pas tout à fait la même définition sur ce point. Sur aucun! Moi, je vis sur la terre. Je sais ce que j'appelle amour, ce que j'appelle aimer. Choisir un seul être et lui donner tout. C'est le commencement. Et si c'est ma fin à moi? Alors que faites-vous ici? Dans cet enfer. Dans ce ciel torride que vous prenez pour un enfer. Je vais vous le dire. Vous vous vengez ici de quelqu'un, mais contre vous-même seulement. Comme font toutes les âmes nobles. Mais cet amour exclusif qui vous manque aujourd'hui... Mon père. Êtes-vous certaine de ne pas l'avoir manqué en Europe? Vous le savez, n'est-ce pas? Je ne sais rien de votre passé. Mais vous, vous ne savez rien de votre avenir. Pourtant, ne laissez pas votre cœur en attendant. Divisez-le ici entre tous ces gens qui ont tant besoin de vous. Je ne suis pas venue pour eux. C'est devenu pour une idée. Mais l'héroïsme consiste à croire aussi en l'idée après qu'on ait vu les êtres misérables qu'il incarne. Suis-je même venu pour une idée? Vous n'êtes pas venu pour quelque chose, mais contre quelqu'un. Seulement sachez-le, rien de grand, jamais, ne se fait contre. Allons donc! Toute votre religion est contre. Contre l'amour, contre la liberté, contre la femme, contre la vie! Quel abîme! Un enfant de 6 ans pense aussi que la vie est une suite d'interdictions. Vous avez 6 ans quand vous parlez ainsi. Mais qu'est-ce que la perfection, sinon la privation de tout? Qu'est-ce que la perfection au regard de la sainteté? Et la sainteté, sinon la soif de tout? L'orgueil, c'est de prétendre être parfait. Pas de vouloir être un saint. Le docteur Schweitzer est-il un saint? Dieu le sait, pas moi. Mais ça ne m'étonnerait pas, cet homme déborde d'amour. Vraiment? Savez-vous qu'il a laissé Madame Schweitzer et sa petite fille en Alsace? Je ne savais pas qu'il aimait à ce point. Oh, Dieu me préserve d'être aimé de cette façon! Dieu! Mais qu'avez-vous donc à lui proposer de plus valable jusqu'à ce jour? Pourquoi me blessez-vous? Écoutez. Qui sait si vous ne rencontrerez pas ici celui que vous attendez? Qui sait s'il ne vous attend pas déjà? Mais... Les âmes seules et les âmes désolées se donnent rendez-vous au bout du monde. Alors? Il dort? Oui, il dort, et avec un sourire qui est notre salaire pour toute cette journée. J'y vais. Non, non, c'est inutile. Bonzo a transporté Sonate auprès du lit. Il ne le quittera pas. J'ai dit que je vous examinerai, père. Venez. Attendez-moi, les enfants. Éteignez vos torches. Ah. Mademoiselle Marie, je n'espérais pas vous trouver éveillée. Comment allez-vous? Le docteur Schweitzer se porte bien. Et vous, Marie, comment allez-vous? Et très bien. Vous avez pleuré? Oui. Et peut-on savoir pourquoi? Non. Les cœurs fiers sont comme les gens pauvres. D'instinct, ils ne se défendent que contre ceux qui leur veulent du bien. C'est possible. C'est possible, mais moi, je ne l'admets pas. Je n'ai jamais rien admis d'emblée, sauf l'irréparable. Vous voulez voir le docteur, commandant? C'est le docteur que je suis venu voir, mais c'est vous que je suis heureux de rencontrer. Je vais le prévenir. Je déteste que vous m'évitiez. Et pourtant, je serais déçu si vous ne le faisiez pas. C'est votre nature. Pourquoi me parlez-vous ainsi? Demandez-moi plutôt pourquoi c'est seulement aujourd'hui que je vous parle ainsi. Écoutez, vous connaissez mon passé, ma carrière. Vous savez ce que j'offre. Vous devinez ce que j'attends. Non, ne me répondez pas encore ce soir. Laissez les mots trouver leur place en vous. Si vous ne m'en reparlez pas demain, je ne vous en reparlerai jamais. Je n'ai rien à dire à Schweitzer. Et maintenant, Marie, dites-moi quelque chose. S'il vous plaît. C'est l'heure où je dois faire ma dernière tournée au pavillon des opérés. Ah, commandant Lieuvin. Ces lumières, ces rumeurs, c'était vous? Comment, vous en doutiez? Ah, non, mais je m'en doutais. C'est l'administrateur général Leblanc que j'attendais, mais vous n'avez pas le même équipage. En fait, qu'avons-nous de commun, en dehors de notre rencontre dans ce pays? Oui, il vaudrait mieux pour l'indigène que les deux profils du visage de la France se ressemblent un peu. Mademoiselle Marie, vous a laissé seule? Oui. Elle est allée faire sa tournée au pavillon de chirurgie. À cette heure-ci? Excusez-moi, je suis en train d'examiner le père Charles. Férié ici? Ah, enfin je vais le revoir. Dites-moi, aviez-vous de l'autorité sur lui autrefois? De l'autorité, non, mais peut-être une certaine influence. Oui. Alors j'aurai besoin de vous. Alors, Lieuvin, combien de villes nouvelles, combien de kilomètres de routes et de voies ferrées nous construisez-vous? Non, je vous demande pardon, je ne vous avais pas entendu venir. Bonsoir, Leblanc. Bonsoir. Mais moi, je vous ai entendu passer au croisement d'eau d'Eldoara. Vous, vos chanteurs et vos porteurs de torches. Le diable et son train. Je sais que mon faste vous déplaît. Le mot êtes-vous? C'est-à-dire qu'il faudrait choisir, il me semble. Le faste ou la familiarité, la hauteur ou la démagogie, et puis aussi mépriser les hommes politiques ou essayer de leur plaire, mais pas les deux. Oui, j'aime qu'on ait une doctrine et qu'on s'y tienne. Non, pas une doctrine, un esprit. De caste? Mon grand-père et ses deux fils étaient généraux. Ce n'est plus une caste, c'est une vocation. Oui, je sais que votre père a servi 4 régimes différents, avec seulement des nuances de prédilection. Ce qui prouve que dans ma famille, le goût du service l'emporte sur la faction. Ah, mais tout de même, ce royaliste qui conquiert un empire pour la République, c'est singulier. Mais vous me faites bien de l'honneur. Mais non, Leblanc, je suis trop réaliste pour n'être pas républicain sous la République. Un mariage de dépit. Ce sont les plus solides. Si vous croyez qu'on sert la République en méprisant ses hommes d'État et en ignorant ses fonctionnaires, vous vous trompez, Lieuvin. Je déteste les politiciens qui, de là-bas, vous révoquent et détruisent sur un potin d'antichambre 5 ans de travail et d'influence. Je déteste les militaires de bureau qui sont des civils déguisés, des caporaux à étoiles. Je déteste tous ceux qui tuent de loin. Moi, je suis avec la bête, contre le chasseur. Mais si vous étiez à leur place, là-bas, le commandant Lieuvin vous inquiéterait sans doute et vous détesteriez ses manières. Par exemple? Par exemple, le jour de votre arrivée, un capitaine vous a présenté le rapport des punitions, le budget de la cantine, un ordre de déplacement pour une voiture fourragère, etc. Combien de papiers de ce genre avez-vous chaque jour? Lui avez-vous demandé. 60, mon commandant. J'en supprime 50. Le capitaine vous a considéré comme un dieu. C'est trop facile. Il est beaucoup plus facile de laisser les papiers s'accumuler et de répondre « je ne veux pas le savoir ». Je ne vous reproche pas de faire votre métier, Lieuvin, mais justement d'en sortir. Cette façon que vous avez de flairer le pays, il dessinait à l'avance des villes, des voies ferrées, des ports. Chacun son métier, commandant. Gardez nos confins, pénétrez en territoire insoumis et défilez enfin sous un arc de triomphe, mais laissez-nous planter, bâtir et gouverner. Mais c'est inséparable. En choisissant son repère, le chef militaire pense au marché qu'il y établira ensuite. C'est moi qui tiens la massue, Leblanc. C'est moi seul qui peux tout obtenir en ne m'en servant pas. Votre prestige coûte de l'argent, le mien économise des vies humaines. Oui, je sais ce que vous avez fait au Maroc et au Tonkin, c'est historique. Seulement ici, le problème est tout autre, Lieuvin, et je le connais mieux que vous. Vous le connaissez du fond de votre palais et de vos règlements. C'est possible, mais c'est moi le maître ici jusqu'à nouvel ordre. Oh, je le dis sans orgueil, car je ne suis le maître qu'à l'ancienneté. C'est moi qui fais bâtir les villes et tracer les routes. Pas vous. Alors faites-le. Rien n'avance ici. Les routes que vous commencez seront trop étroites dans 5 ans. Votre nouveau port n'est que la maquette de celui qu'il faudrait. Et ces coupes désordonnées en forêt. Ces bâtiments du style caserne, vous voyez tout ça, Leblanc? Vous commandez tout ça? J'exécute. Mais les gens des bureaux ne peuvent pas savoir. Pour eux, ce pays n'a jamais existé que sur la carte. Pour eux, le soleil, c'est une adjudication de casque. Les serpents, du sérum ou un lot de cercueil. La forêt, du fret, des stères de bois précieux. Les noirs, des conscrits ou de futurs contribuables. Mais pas pour vous, Leblanc, tout de même. Pour moi, l'Afrique n'est ni une vocation, ni une aventure. C'est un métier. La suite de circonstances qui m'a placé ici est parfaitement médiocre. Doit-on vous plaindre? Non, sans doute, puisque je ne m'en plains plus. Je ne voudrais pas non plus, Lieuvin, que ma carrière fût cassée de loin sur un coup de dé de la politique. Mais je n'engagerai pas davantage ma vie, mes nuits, mon âme dans la construction d'une ville. Ni la fondation d'un empire. Ni la fondation d'un empire, je ne tiens pas à figurer dans le dictionnaire. Parce que vous me croyez ambitieux. Vous l'avez cru vous-même, mais vous vous mésestimiez. Non. Le problème est tout autre, Lieuvin. Vous êtes un grand homme. Vous m'effrayez. Allons, allons, Leblanc. Je vous parle un langage humain, moi. Voir grandir chaque arbre, chaque avenue. Chaque ville nouvelle avec un sentiment paternel. Lire sa réussite dans les yeux de ces gens, et non pas au journal officiel. Ah, Leblanc, leur dévouement, leur frémissement d'obéissance. Savoir qu'on trouvera toujours des volontaires. Vous ne m'enrôlerez pas, commandant. J'ignore encore pourquoi l'on vous maintient dans ces régions après que vous en avez achevé la pacification. Si l'on veut vous les donner, je m'en irai. Oh, avec un très vif déplaisir, mais je m'en irai plutôt que de travailler avec vous. J'ai l'horreur du grand homme. Entre Schweitzer, le père de Ferrier, et vous, je n'ai vraiment pas de chance. Vous voyez des héros partout. Non, j'ai l'instinct de conservation. L'air autour de vous est irrespirable. Ferrier, c'est la folie de la croix. Vous, la folie de la grandeur. Quant à Schweitzer... Non, épargnez au moins le docteur. Et souhaitez-nous son équilibre et son efficacité. Schweitzer, c'est le héros national protestant. Ah, parce que pour vous, le protestantisme, c'est une pâtrie. Mais très exigeante et très jalouse. Avec son armée du salut, ses héros en col dur et ses spécialités nationales. L'homéopathie, l'abstinence, le féminisme. Moi, je flaire les protestants. Je les reconnais à leur naïveté roublarde, à leur snobisme de l'évangile. Et surtout à ceci, Liévin. Que non content d'avoir raison, ils veulent encore vous le prouver. Mais vous êtes venimeux. Le venin de la clairvoyance. Honnêtement, que faites-vous pour Schweitzer? Je le tolère. Oh. N'oubliez pas que le docteur est alsacien, c'est-à-dire sujet allemand. Leblanc. Et que d'ici un jour ou deux, nous pouvons être en guerre avec l'Allemagne. Pour libérer l'Alsace, justement. Et bien sûr. Schweitzer est si peu sujet allemand qu'il s'est installé ici, au Gabon. Et non pas au Togo ou au Cameroun. Il a choisi la pire région. Quand il mourra, il demandera à Dieu, pour récompense, la permission d'installer ses baraques en enfer. Dites-moi, que pense-t-on de lui, en haut lieu? Au ciel? Non, à Paris. On ne sait qu'en penser. La sympathie n'est pas une donnée politique. Je l'aide, dans la mesure de mes moyens, mais c'est sans ordre. C'est vous que le docteur attendait ce soir? Oui, pour un inventaire. Les menaces de guerre ont embouteillé les transports. Schweitzer est à bout de médicaments, presque à bout de ressources. Mais ce n'est pas pour lui que je viens ici. Ah. Je vous l'ai dit, Liévin, je suis un homme. Moi. Je ne suis qu'un homme. Vous savez, Leblanc, dans ce domaine-là, nous sommes tous des hommes. Marie? Mais il faut choisir, Liévin. Le père de Ferrier n'écrit même plus à sa famille. Schweitzer a laissé sa femme et sa fille unique en Europe. Les grands hommes vivent seuls. Vous jouez sur les deux tableaux. Oui, mais avec une seule carte. Ah, monsieur l'administrateur, je vous espérais plus. Liévin, je viens d'examiner le père Charles. Je le supplie de se soigner. Il sourit. Vous, si vous avez conservé quelque influence sur lui, tâchez de le convaincre. Connaissez-vous une race plus terrible que les gens qui sourient tout le temps? Ceux qui ne sourient jamais. Venez, nous avons besoin de mademoiselle Marie pour cet inventaire. Liévin, le père Charles est dans mon cabinet, vous pouvez l'y rejoindre. Méconnaissable. Ah si, si pourtant les yeux, oui, tu as toujours les mêmes yeux. Liévin. Ferrier. Ferrier, la plus grosse fortune de la promotion. Et je suis sûr que tu ne possèdes plus que cette robe. Mais quelques livres. Ah oui, oui, c'est vrai, tes poètes latins si joliment reliés. Ce ne sont plus les mêmes. Oui, je m'en doute. Mais où est notre gros Ferrier? Vous m'appeliez déjà le père Ferrier. Avec son foie gras et sa bouteille de chambertin cachée derrière les livres. Tais-toi. Et à ta porte, un coupé bien bas, afin que monsieur ne se fatigue pas à lever le pied. Tais-toi. Pardonne-moi. Non, c'est moi qui te demande pardon. Et dis-moi, je voudrais savoir, pour en arriver là, quelle route as-tu suivi? J'ai marché sur les flots. Tu te rappelles l'évangile? Quand on a entendu distinctement le « Viens » sorti de la bouche de Dieu, Il suffit de marcher, même si cela paraît une folie. Je te déçois, Lieuvin? Non, tu m'irrites un peu. Ce passage d'un extrême à l'autre, tout aussi voyant. Je suis voyant, moi? Eh oui, dans notre siècle, un ermite, c'est voyant. C'est que tu étais snob, Ferrier, on peut le dire. Tu te demandes si, dans mon cas, il n'entre pas un snobisme de l'humilité? Ben. Peut-être. Dieu ne fait pas le détail, il nous engage tout entier, bon ou mauvais, dans son combat. Tu n'as donc pas trouvé d'ordre assez mortifiant, de règles assez dures pour toi? Mais tu vis en marge de l'église, Ferrier, avec ta légende individuelle. Toi, l'officier, tu es un franc-tireur. Franc-tireur de Dieu? Mais réunis des francs-tireurs, donne-leur un uniforme et un règlement, ça fait un régiment d'élite. Mais mes supérieurs me refusent la joie. Non. L'orgueil d'être un fondateur. Le supplice de l'obéissance. Et je le connais aussi. Mais la seule revanche, c'est l'action forcenée. Et là, tu me déçois, Ferrier. Je t'imaginais évangélisant des contrées entières, plantant ta croix partout, moi. Et organisant le terrain conquis, mon commandant. Mais oui. Non. Non, je n'en suis pas là. Mais chiffre en main, Leblanc m'assure que de tous, tu es le missionnaire qui compte le moins de conversions à son actif, c'est vrai? Alors? Je les apprivoise. Je fraternise. Je ne leur apprends pas, je leur prouve que nous sommes tous frères en Dieu. Tu n'obtiendras rien si tu ne te fais pas craindre, comme dirait Leblanc. Enfin, moi je dis respecter. Moi je dis aimer. Je prépare la terre. D'autres sèmeront, d'autres encore moissonneront. On fait le bien dans la mesure de ce qu'on est, Lieuvin. Il faut que je travaille encore ma conversion personnelle avant de prétendre... Mon vieux Ferrier, regarde-toi, regarde-nous. La fin est commencée pour nous. Mais connais-tu encore seulement le prix du temps? On apprend mieux en priant 6 heures de suite qu'en se tuant à l'action. Alors fais vite, vite. Les Noirs t'adorent. Un mot de toi suffirait à les rallier tout à fait à la France. Ce n'est pas ma mission. Il s'agit de les rallier au Christ. Mais c'est la même chose. Dans la mesure où la France poursuit sa mission, oui. Si c'est seulement pour recruter des soldats, non. Eh bien, explique donc ça à M. Leblanc. Monsieur Leblanc est très intelligent. Très. Mais il ne fera jamais rien parce qu'il lui manque cette parcelle d'amour sans laquelle aucune œuvre humaine n'est achevée. Lieuvin, cette parole, enfin je te retrouve. Je ne te reconnaissais pas entièrement. C'est que je ne crois plus, Ferry. Je ne crois plus. Il y a trop de mystères, trop d'exigences. Comme si tu valais quelque chose, toi, sans tes exigences. Tu as pris ta part d'héritage et tu es parti à la conquête du monde. Va. Le Père t'attendra jusqu'au dernier instant. Charles, qu'est-ce que tu as? Je parlais ce soir plus qu'en des mois et des mois. Je suis épuisé. C'est stupide. Non, ce qui est stupide, c'est de ne pas te soigner. Tu sais que Schweitzer est inquiet. Regarde-moi, Hervé. Les arbres meurent debout. Si je tombe, c'est qu'on m'aura abattu. Allons, pas d'abandon de poste, lieutenant de Ferrier. Vous êtes l'ambassadeur de Dieu dans ce pays plus vaste que la France. 2 hommes pour ce rôle, Schweitzer et moi. Inséparables et inconciliables comme l'âme et le corps. Chaque homme ne représente jamais que la moitié du Christ. Chaque homme ne remplit jamais que la moitié de son destin. La moitié de son destin. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Alors, Ferrier, ce que je vais te demander est grave. Un homme comme moi peut-il se marier? Il y a 20 ans que tu es marié, Lieuvin. Tu as épousé ton ambition. Tu vas grandir vos enfants, des villes, des pays entiers. Non, une vraie famille, voir grandir de vrais enfants. Lieuvin, il faut choisir. Choisir, c'est sacrifier. Si je ne le veux pas, moi. Alors, ce sont les événements qui choisiront à ta place. Quelle humiliation. Eh bien, Ils achèvent l'inventaire des médicaments. Celui des finances est plus désastreux encore. Alors ? Alors, le moyen habituel, une tournée de conférences et de récitals d'orgue dans toutes les capitales d'Europe. Mais M. Leblanc prétend que cette fois-ci, je n'aurai même pas le temps d'arriver. La guerre ? La guerre, oui. Comme chaque été depuis 4 ans, c'est le cycle. Les primes vertes, le muguet, les cerises, la guerre. Même ici où les saisons sont bouleversées, elle seule est fidèle. Commandant, est-ce que vous croyez que les Allemands mobiliseront les Alsaciens ? Contre la France. Ils en ont le droit. Cette guerre, Liévin, en étions-nous assez impatients à Saint-Cyr ? Si les militaires n'aiment plus la guerre à présent... Vous aimez la maladie, vous, docteur ? Non, je ne l'aime pas, mais elle, du moins, n'est pas une invention des hommes. Les hommes en guerre sont en paix avec Dieu. Voilà le grand piège. Je déteste la guerre. Si je quittais cet hôpital, les termites détruiraient ces 30 bâtiments en moins de temps qu'il ne m'en a fallu pour édifier chacun d'eux. Nous quittions ce pays. Aussitôt les idoles, les sacrifices humains. Allons, allons, ce n'est pas encore la guerre, puisque nous parlons de nos pensées au présent et de nos actes au futur. En temps de guerre, on agit au présent et on parle au passé. En profitons bien de ces heures d'inquiétude et d'incertitude. C'est peut-être ce que nous appellerons le bonheur d'ici peu. Commandant, je ne suis réduit ici à ne vivre que de rumeurs. Est-ce que je peux compter sur vous si jamais... Oui, oui, demain je vous envoie un coureur pour vous porter les vraies nouvelles, et si elles sont graves, je serai là moi-même demain soir. Et moi je reste, Schweitzer, si vous permettez. Il y a longtemps que j'ai promis ma visite à certains de vos malades. Oui, je pourrais vous mettre au régime. Vous vous gardez bien de me réclamer les médicaments que je vous ai prescrits. Vous en manquez. Allez, venez. Bravo, Liévin, vous avez gagné. Je viens de parler seul avec Mademoiselle Marie. Vous m'aviez devancé. Vous l'ai-je caché ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non, c'est pas ce que vous craignez. Quand un de nos malades meurt, sa famille qui l'entoure chante une mélopée. Mais ce n'est pas ça. Ce chant-là monte du fleuve. Des pirogues à cette heure ? Mais s'il cherche l'hôpital, il y a la lanterne au débarcadère, comme d'habitude. Non, Bonzo a dû l'oublier. Je vais l'allumer. Non, laissez. Ceux qui passent la nuit à l'hôpital vous doivent un travail. Laissez-moi au moins ce petit travail-là. Monsieur l'administrateur, vous passerez la nuit ici ? Certainement pas ce soir. Ben, vous arriverez avec le jour. Comme les événements. Vous y croyez vraiment, Leblanc, cette fois ? Cette fois, oui. Mais les indigènes aussi, la forêt entière est nerveuse. Mais parce que nous le sommes tous un peu trop... Entrons ensemble, Blanc. Non, merci, Liévin. Nous n'avons pas du tout la même allure. Demain, je vous ferai porter de la quinine et de l'alcool. Ou plutôt non. Je vous les porterai moi-même. Vous-même, sûrement pas. Ça n'a pas une telle importance. Une grande importance pour moi. Bonsoir. Oui, je vous accompagne. Marie. Demain. Je ne veux pas prendre votre décision par Leblanc. Moi, je vais être seule. À demain soir, Marie. Bonsoir. Venez. Ils sont 7 dans une pirogue. Les hommes qui doivent venir être loin, je ne comprends pas leur langage. Des monstres, Schweitzer. Quoi ? Couverts de tumeurs énormes, n'ayant plus forme humaine. Cette barque dans la nuit, remplie d'hommes, de bêtes, regard d'hommes. C'est horrible. Oh, c'est fréquent. L'Afrique, c'est l'Europe vue à travers une loupe. L'enfer, C'est la vie vue à travers une loupe. Le ciel aussi, je pense. Demain, je les opérerai tous. Tous les sept? Il n'y a pas de raison qu'aucun d'eux souffre un jour de plus que les autres. Ne me dites pas que Dieu le veut, père. Je vais les accueillir, bonsoir. Dieu! Mais ces souffrances, ces laideurs, mais la guerre témoigne contre Dieu. Que répond-il? Que répondez-vous? Un jour, vous aurez des enfants. Ils souffriront de maladies et vous serez désarmés. Alors ils vous regarderont comme vous me regardez en ce moment. Que répondrez-vous? Que donner la vie, c'est être aussi fou que Dieu. Être aussi fou que Dieu. Être aussi fou que Dieu. Que ce soit notre prière pour ce soir. Je ne veux pas jouer à l'île déserte. Ce qui veut dire? Que je suis la seule femme blanche ici. Sur qui d'autre jetteriez-vous les yeux? Vous aimez vous battre? Être choisie. Mais tant que je sois orgueilleuse. Mais vous l'êtes. Comment le sauriez-vous? Que savez-vous de moi à tous? Tous? Vous parlez à moi seule, Marie. À moi qui ai fait 5 heures de brousse même aujourd'hui pour vous voir seule. Il n'y a pas le monde entier d'un côté et Mademoiselle Marie de l'autre. Mais tant que je sois égoïste. Vous l'êtes. Orgueilleuse, égoïste. Alors je vous trouve un peu étrange de faire 5 heures de brousse pour... Mais parce que c'est vous que j'aime. Tel que vous êtes et tel que je suis. Tel que vous voulez paraître. Et tel que vous me croyez. L'infirmière au grand cœur, la femme qui a renoncé à tout pour soigner les Noirs. C'est touchant, n'est-ce pas? C'est singulier. Suspect? Oui. Parce que vous n'en paraissez pas heureuse. Les gens qui, comme vous, commettent une grande folie en restent généralement joyeux ou paisibles. Sinon... Sinon? Ce n'était peut-être qu'un grand calcul. Imaginons que vous ayez éprouvé une déception. Je vous crois trop sincère pour faire bonne figure, mais trop orgueilleuse pour ne pas essayer de sauver la face. En partant au bout du monde? En camouflant cette fuite en vocation. Et quand cela serait? Je ne vous en aimerais que davantage. Je sais. Dans tout homme, il y a un consolateur qui sommeille. Vous consolez, oh non. Non, vous n'êtes pas de la race qui oublie, mais de celle qui efface. L'orgueil, toujours. C'est pourquoi le commandant Lieuvin a tant de prix à vos yeux. On peut revenir au bras d'un tel homme. Vous n'avez... Schweitzer était déjà un alibi, mais Lieuvin... Vous n'oubliez que ceci. J'aime le commandant Lieuvin. Allons. Oui, vous l'admirez, il vous attire. Et moi, je vous aime, Marie. Moi, je regarde l'heure, je m'arrête d'écrire, je pense. En ce moment, elle se dirige vers le fleuve. Ou bien, sa main touche le front d'un malade. Jamais depuis 2 ans, je n'ai laissé passer l'heure de votre sommeil sans fermer les yeux. Sans vous dire bonsoir. Mais si je ne vous aime pas, moi... Je ne vous demande pas de m'aimer, mais simplement de vous réveiller. Vous vivez ici comme une somnambule entre de grandes statues, Schweitzer, Ferrier, Liévin et des corps gémissants. Vous ne savez plus ce qu'est un être humain. Ouvrez les yeux. C'est pourtant ici le lieu le plus humain de toute l'Afrique, tout le monde le sait. Un endroit où vous n'appelez personne par son prénom que les domestiques, un endroit sans enfants. Si. Un petit malade, là. Vous aimez les enfants, Marie? Alors prenez garde, les grands hommes n'ont pas d'enfants. Ils chérissent aussi ce qui leur survit et leur donne du mal, mais ce sont des lois, des livres, des bâtisses. Madame Schweitzer et sa fille, comptent-elles auprès de l'hôpital? Vous êtes injuste. Oui, depuis 5 minutes. Et vous, depuis 1 an? Parce que je ne vous aime pas. Parce que vous croyez que je joue à l'île déserte en venant ici fidèlement. Mais, Marie, je pourrais être rentré en France depuis des mois. La France n'est pas une île déserte. Écoutez... Non, ce soir, c'est vous qui m'écoutez. Et je vous supplie de prendre votre décision ce soir, avant que les événements viennent tout fausser. Je vous mets en garde contre tout ce qui n'est pas à l'échelle humaine. Contre tout ce qui nie ou fuit le bonheur. Vous croyez donc au bonheur? Je ne sais pas. J'ai été très bien élevé. On a tout fait pour m'en dissuader. Mais je veux essayer, au moins une fois. Et ce sera avec vous. Donnez-moi votre main. Je vous la donne. Et je ne peux pas vous la promettre. Lorsque le docteur Schweitzer et le père Charles vous demanderont pourquoi vous êtes revenu ce soir, vous répondrez... pour persuader cette jeune femme, le jour même où la guerre se déclare, peut-être, que le bonheur existe. Non, Marie, je viens offrir une protection armée. Vous serez bien reçu. Oui, je sais, c'est le danger d'avoir trop d'amis, on croit qu'on n'a plus d'ennemis. Schweitzer et le père oublient que les grands sorciers régnaient sur cette forêt jusqu'à leur arrivée. Quoi, ces pantins à plumes? Oui, ces sorciers, ces oiseaux de proie, oui. Vous avez entendu les cris et les tam-tams toute la journée? La guerre déchaîne ses folies avant de commencer, c'est même ça qui la rend inévitable. À moins que ce ne soit la protection armée. Ah, monsieur l'administrateur, votre présence ici est rassurante. Ne croyez pas cela. C'est très désagréable d'opérer 7 heures durant au son incessant d'un tam-tam dont on ne comprend pas le sens. Le sens est pourtant clair. Les Blancs sont venus ici pour nous empêcher de nous battre, et maintenant ils vont se battre entre eux. Monsieur Leblanc nous propose de faire garder l'hôpital par des soldats. Non, excusez-moi. Mais l'idée de sentinelle, l'arme au pied devant chacun de mes baraquements. Très heureux d'avoir traversé la forêt pour vous apporter ce moment de détente. Non, je vous ai offensé, alors pardonnez-moi. Sérieusement, docteur Schweitzer, tendre la joue gauche après la droite n'est pas une maxime compatible avec l'occupation coloniale. Et plus sérieusement encore, monsieur Leblanc, des soldats gardant ma personne contre des indigènes, voilà qui est incompatible avec toute ma vie. Je vous comprends très bien, mais si une poignée de fanatiques attaquait votre hôpital cette nuit? Ou votre ermitage? Mais je me défendrai avec mes propres armes. Mon ermitage est ouvert depuis 2 ans, nuit et jour. Ouvert aux serpents, aux bêtes, aux hommes. Quand on a la chance de posséder Dieu, on ne le met pas sous clé, monsieur Leblanc. D'ailleurs... D'ailleurs? Rien. D'ailleurs, voulez-vous que j'achève? Si les fanatiques attaquaient le Saint-Sacrement que j'abrite, je me ferais tuer avec joie, c'est cela? Oui. Seulement, ça ne résout rien. Ça ne sert à rien, sauf à assurer, pensez-vous, votre salut personnel et votre gloire éternelle. Nous, nous restons sur la terre avec nos ennuis. Et toutes sortes de blâmes, éternels aussi. Judas, Pilate, Cochon, voués de toute éternité à leur rôle de faire valoir. Pas de martyr sans bourreau, mais la mort, le remords, la solitude des bourreaux, c'est un martyr autrement redoutable. Il faut des caves pourries et ténébreuses pour servir de fondation à vos cathédrales. Non, monsieur Leblanc. Si le martyr ne sauve pas son bourreau avec lui, il n'est pas au ciel, croyez-le bien. Quant à notre mort, c'est la seule chose importante qui nous reste en propre. Et c'est la nôtre? Certainement pas. Mais notre mort appartient à l'État, père Charles, voyons. À la campagne, quand quelqu'un se suicide, on appelle les gendarmes, comme pour un déserteur. Et en ville, les pompiers, comme pour un sinistre. Mauvais exemple. L'État aime les morts utiles, mais se méfie des morts exemplaires. Monsieur Leblanc, ce souffle, cette vie, c'est vraiment tout ce que je possède. Laissez-moi, sinon la supprimer, du moins l'échanger. Contre celle du docteur, par exemple? Certainement. Non, mais certainement pas. Non, père, ne recommençons pas cette discussion. Vous êtes aussi utile que moi. C'est tellement plus facile à remplacer. Ah. Des fous de ma sorte, l'église en regorge. Des fous de la vôtre, Schweitzer. La société n'en est pas riche. Vous êtes très obligeants tous les deux, mais enfin, si vous conserviez la vie l'un et l'autre, ce serait encore plus simple. Vous avez ri de ma proposition tout à l'heure. Je pourrais rire, moi, de vos petits marchandages avec le ciel. Êtes-vous chrétien, monsieur Leblanc? Je suis pour une religion de grands garçons. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais c'est juste le contraire. Chacun pour tous et Dieu pour soi. Non, Schweitzer. Chacun pour tous et Dieu pour tous. Bon. Et si je vous apportais, là, la preuve que Dieu n'existe pas, que la Bible n'est qu'une invention de poète et que Jésus-Christ n'était qu'un prestidigitateur, la preuve irréfutable, qu'est-ce que cela changerait dans votre façon de vivre? Rien. Rien. Alors? D'ailleurs, que Dieu existe ou non, le visage d'un homme qui souffre est le même. Et il me serre le cœur. Monsieur Leblanc, les êtres sans défense, ils me trouveront toujours sans défense. C'est que vous voyez le Christ en eux. Non. Dans ma petite enfance, il y avait un juif qui traversait Gunzbar dans sa charrette. Et il gardait toujours la tête baissée comme son âne. Les gamins dont j'étais le poursuivaient en hurlant son nom que je me rappelle, Moshe, et se moquant de lui. Un jour, je me suis approché pour tirer sa veste ou crier une sottise. Et j'ai vu son visage, monsieur Leblanc. C'est une blessure encore vive. C'est pour ça que vous êtes ici, Schweitzer. Pour ça que chacun de nous, bon ou mauvais, se trouve où il est, ciel ou enfer. Lorsqu'un petit enfant aux yeux encore étonnés le pousse dans le dos, c'est le juif Moshe que vous soignez ici. Monsieur Leblanc, croyez-vous qu'il ne cessera jamais dans ce pays l'esclavage que nous avons aboli? Vous le dépistez chaque jour, et chaque jour il renaît sous une autre forme. Est-ce que vous vous découragez, vous? Je fais seulement mon devoir d'homme. Mais cette part de votre devoir d'homme qui consiste à faire un peu plus que votre devoir d'homme, comment l'appelez-vous? D'où vient-elle? Renoncer à poursuivre serait décourager à l'avance ceux qui veulent entreprendre. Non, monsieur Leblanc, vous luttez contre l'esclavage, le désordre et l'épidémie, alors que toujours tout est à recommencer, parce que vous savez qu'un jour, tout sera juste et définitif. Mais c'est la preuve de l'existence de Dieu que vous nous apportez là. Je vous annonce au contraire l'imminence de ce qui peut le plus faire douter de Dieu. La guerre. Un courrier est peut-être en route en ce moment vers nous. Encore une fois, docteur, votre hôpital peut se trouver menacé dès cette nuit. Non. Non, mais vous savez bien qu'il n'y a rien de plus obstiné qu'un Alsacien, si ce n'est un protestant. En tout cas, père, vous ne pouvez rester isolé. Il vous faut demeurer ici quelques jours. Ne me commandez pas cela. Je vous le recommande seulement. Oui. Je suis resté suffisamment militaire pour savoir ce que mérite une désertion de poste, mais... Je retournerai là-bas dès ce soir. Alors rentrons ensemble, je dois justement faire le détour de Bdoussala. Vous avez une escorte? Bien sûr. Non, monsieur Leblanc. Les indigènes m'ont surnommé l'homme aux mains ouvertes. Ils ne me trouveront pas ici, parmi les hommes en armes. Comme vous voudrez. Mais barricadez tout de même votre porte cette nuit. Bonsoir, mademoiselle Marie. Bonsoir, docteur. Je vous accompagne. Cette fois, père, nous voici au bord de l'abîme. Plus bas encore. J'en avais reçu le pressentiment tandis qu'il nous parlait. À la fois une blessure et un soulagement. N'en doutez plus, Schweitzer, c'est fait. Père, avez-vous pensé qu'on vous rappellerait peut-être là-bas pour commander des hommes? Pour commander à des hommes d'en tuer d'autres? Comment n'y pas penser? Oui, et comment refuser? Je suis tranquille, Dieu trouvera la solution. Et sans doute est-elle déjà trouvée. Attention, père! Nous donnons raison à monsieur Leblanc avec cette façon de tirer des chèques sur le ciel. Monsieur Leblanc n'oublie qu'une chose, c'est que nos chèques ne sont jamais sans provision. Tout se paie. De notre côté, du moins. Dieu seul peut donner. Oui. Il ne prête qu'aux riches. Aux pauvres, il donne. Alors il me donnera le moyen de m'échapper, de s'enfuir. Bonne nuit, Schweitzer. J'ai du mal à vous quitter. Il me semble que quelque chose d'important va cesser. Oui. Peut-être le dernier instant, le dernier endroit où un Alsacien et un Français peuvent se parler fraternellement. Vous partez, père. Je demeure avec 300 malades. Et pourtant, il me semble que vous me laissez seul. Que vous m'abandonnez. Vous entendez ce bruit? Oui. Et bien d'autres depuis ce matin. Oui, mais celui-ci est plus proche. Je ne vois pas Mademoiselle Marie. Schweitzer, dites-lui que je prie. Non. Que je pense à elle. À son âme. Vous le lui direz, n'est-ce pas? Cette nuit. Férié. C'est la première fois que vous m'appelez par mon nom d'homme. Adieu. Docteur. Oui. Les familles de la baraque 14 ont forcé les magasins en provision. Ils ont volé l'huile de palme et la farine de manioc. Inutile. Joseph Bonzo et les autres ont rétabli l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? L'énervement, ces tam-tams incessants depuis la nuit dernière, des rumeurs colportées par les derniers arrivés. Ils sont persuadés que les Blancs vont fermer l'hôpital et les abandonner sur place. Mais ils sont fous! Non. Non, je n'y vais pas tout de suite, je suis trop en colère. Ce sont des enfants. Mademoiselle Marie, j'ai renoncé à la musique, à l'enseignement, à tout ce que j'aimais. J'ai tourné le dos à la vie pour en arriver là. Ils volent les provisions de l'hôpital. Ils se sont affolés à la pensée de rester seuls. Mais qui de nous est le plus seul alors que je loge leur famille dans l'hôpital même? Les abandonner. Mais est-ce que j'ai laissé au hasard une seule poutre d'un seul bâtiment? Et lorsque tout a été achevé, j'ai tout recommencé en plus loin ailleurs. Pour que l'air du fleuve leur parvienne mieux. Ces voleurs. Docteur. Et déjà, je songe à nous agrandir encore dans ce pays ingrat, où toujours tout est à recommencer. Mais c'est la terre entière, ce pays ingrat, où toujours tout est à recommencer. Mais Mademoiselle Marie, mes plants de manioc et de maïs placés en pleine forêt afin qu'ils poussent mieux, quand on y revient après 15 jours, la brousse en a déjà repris une partie. Pays inhumain. Il ne l'est pas, puisque des hommes l'habitent. C'est pour eux, pas pour lui, que vous êtes venus. Oui. Et j'en reçois aujourd'hui ma récompense. Votre récompense? Mais vous l'avez déjà reçue 100 fois. Au réveil de chaque opéré, sa main qui cherche la vôtre et ne veut plus la quitter. C'est vrai, oui, mais devant ma joie de les voir guéris, ils me réclament un cadeau. Et pour les retenir à l'hôpital entre les piqûres, il faut que j'invente un médicament rouge qui n'est que de l'eau teintée. Ou encore, ils me réclament la même dose que les plus malades. Ils se frottent le corps avec la potion que je leur ai prescrite. Madame Schweitzer doit en dire autant de votre petite fille à Gunsbach. Ma petite fille, du moins, accepte de travailler. On le lui a appris, tandis que... Mais qui leur a appris à voler? Vous savez bien que les femmes qui font cuire l'huile de palme, nous devons les enfermer derrière des grilles pour que l'huile et le savon ne disparaissent pas. Docteur, voulez-vous jouer du bac pour moi, s'il vous plaît? Oui, pour vous. Et aussi pour moi. Et surtout, pour lutter contre cette horrible musique des tam-tams, contre ce cœur qui bat, désordonné. Qui bat d'inquiétude. Ou d'impatience. Défendez-vous contre moi qui les aime, vous qui ne les aimez pas. Je vous assure. Vous ne les aimez pas, et c'est d'autant plus méritoire. Mais pourquoi les défendez-vous? Pourquoi suis-je ici? D'autant d'autant plus méritoire, allons donc. C'est d'autant plus pitoyable. Vous les défendez parce que je les attaque. Et que rien ni personne jamais n'est entièrement juste ou injuste. C'est la condition humaine. Que vous l'ayez voulu ou non, Mademoiselle Marie, nous formons une équipe. Quand je cesse d'aimer, c'est vous qui le faites à ma place. C'est ce que j'aime. J'accordais cette minute de sursis et je vous regardais. C'est beau un homme qui ne sait pas encore qu'il est en guerre et qu'il doit détester une partie du monde. Ben jamais, commandant. Jamais on ne me forcera à considérer qu'un homme est mon ennemi. Même si sur son ordre on détruit l'hôpital? Même si sur son ordre on détruit Gunzbach et ses habitants. Vous ne répondez pas. Comme la guerre sait bien montrer à chacun le visage qui la justifie. Pour les uns, elle est la liberté ou l'égalité devant la mort. Pour les autres, la fraternité. La seule. Elle est surtout la revanche. Et pas seulement la revanche d'un pays sur un autre. Celle de chaque homme. Il s'y venge de sa médiocrité. Même pas. Pour les meilleurs, la guerre, c'est une récréation. Ah, vous êtes injuste, commandant. Mais la guerre, c'est l'injustice et la violence. Avec elle, il faut être injuste et violent. Non, jamais, contre personne. D'ailleurs, vous avez fait la guerre, commandant, au Tonkin, au Maroc, ici même. Il y eut un temps où le monde entier était en paix, sauf là où vous vous trouviez. Et où il dépendait de vous, qu'on y déposa les armes. Oui, j'ai fait la guerre, mais la main tendue, pas le poing tendu. Un mois de guerre pour assurer 10 ans de paix. Et aux hommes qui sont morts sous mes ordres, je n'ai pas édifié des monuments, moi, mais des royaumes. Et leur guerre en Europe, c'est la destruction. Des ruines, des plaques de marbre, des discours, voilà tout ce qu'il en restera de part et d'autre. Oui, et vous oubliez d'un côté, mais lequel? Cette dernière humiliation, la honte des aînés, le mépris des cadets, et ce grand désir de revanche qui fait que toute guerre est perdue d'avance par celui qui la gagnera. Les indigènes connaissent-ils la nouvelle? Oui. Ils l'ont su en même temps que moi et avant le blanc qu'une estafette doit chercher encore quelque part en forêt. Ils savent tous que les blancs d'Europe ont commencé un grand palabre. On n'entend plus aucun tam-tam à présent. En Afrique, ce qu'on n'entend pas, c'est cela qui est vraiment dangereux. Oui, Ferrier. Reparti vers son ermitage. Cette nuit? Tout à l'heure. Seul? Quelle folie! Le père Charles est en danger? Mais oui, parce qu'il est seul. Vous savez bien que la guerre déchaîne d'abord les lâches. Les héros n'apparaissent qu'ensuite. Oh, d'ailleurs, le père Charles ne se défendrait même pas. Je l'ai pourtant connu plus combatif. À Saint-Cyr, un jour que je m'étais mis un duel ridicule sur les bras, il voulait à toute force se battre à ma place. C'était par fraternité, commandant. Pas par violence. Peut-être. Ah, je ne peux pas supporter de le savoir seul là-bas cette nuit. Donc je vais lui envoyer mes gardes. Non. Non, il serait humilié. J'y passerai moi-même. Cassa. Cassa vient de mourir. Oui, c'est un de mes opérés de ce matin. Il était perdu. La douleur des païens me bouleverse comme celle des petits-enfants. Vos 300 malades entendent ce chant funèbre et chacun pense « Allons, c'est lui qui meurt, ce n'est pas moi, encore une journée de gagné. » 300 millions d'êtres humains vont penser comme eux chaque jour désormais. Pauvre Cassa. Oui, pauvre Cassa qui meurt un jour trop tard. Tout est changé. Sa mort n'a déjà plus le même poids. Oh, le même, commandant. Exactement le même. Eh bien, j'étais venu apprendre votre décision. C'est vous qui nous apportez une nouvelle décisive. Mais qui ne change rien. Cela dépend sans doute. De quoi ? Des ordres qu'on vous a donnés. Si vous m'aimiez, Marie, et si je vous épousais, si demain je partais pour la guerre et si j'étais tué, regretteriez-vous votre décision ? Ne jamais rien regretter de ce qui fut volontaire, mais maudire le ciel à jamais. Vous m'aimez, Marie ? Je ne suis pas chrétienne, moi. Je ne me résigne pas. Il est temps que vous le sachiez. Je sais que vous m'aimez. J'ai trop attendu. Quand mon tour viendra, je ne le céderai pas. Nous le céderons, peut-être. Peut-être. Alors, dites-moi, quels ordres avez-vous reçus ? Me direz-vous votre décision ? Sans doute. Ce qu'on m'ordonne est singulier et sage. Que je demeure si la situation l'exige. Que je retourne en Europe prendre un commandement si j'estime cette région pacifiée. Mais si vous êtes le maître de choisir. Ah non, pas de choisir, de juger. Et votre décision ? La vôtre d'abord. Sûrement pas, je veux que votre jugement soit pur. Je crois connaître vos sentiments. Et quant à mon jugement, il est arrêté. Je reste. Vous restez ? Oui. Là-bas, c'est l'aventure, la carrière, les étoiles. Je reste. La mort dans l'âme ? La mort dans l'âme. Alors pourquoi rester ? Parce qu'ils trouveront 10 000 chefs de bataillon prêts à mener leurs troupes à l'assaut de leur 5e galon. Mais des hommes capables de maintenir cet empire, sans crédit et sans soldats, combien s'en présentera-t-il ? Sans soldats ? Mais je croyais que les troupes stationnées ici... sont nombreuses, oui, mais je les renverrai presque toutes. Avez-vous bien réfléchi ? À tout. J'ai réfléchi à tout avant de prendre la décision de ne pas me battre. Plutôt de ne pas vous battre de cette manière ? La seule désormais qui compte aux yeux de tous. Est-ce que le jugement des autres compte encore à vos yeux ? Non, presque plus. C'est sans doute la définition du tyran. Ou celle du grand homme. Monsieur Leblanc nous ferait une belle tirade là-dessus. Il faudra bien que je me passe du jugement de Monsieur Leblanc. Malheureusement, c'est le seul dont il faudra tenir compte. Écoutez, tout ce qui peut vous contraindre à partir d'ici me fait horreur. Marie. Mais je déteste encore plus le regret, l'équivoque, le revirement. Avez-vous songé que vous ne réaliserez rien de vos plans si Monsieur Leblanc s'y oppose ? Je réaliserai tous mes plans, à ma guise. Car voici mes lettres de commandement sur le gouverneur civil. En a-t-il connaissance ? Ni lui, ni personne autre que vous. Ce à quoi je m'engage dans cette guerre, ou plutôt ce à quoi je renonce pour y faire face. Je compte sur vous, Marie. C'est ma manière à moi de dire que je vous aime. Vous ne dites rien. Le silence est depuis si longtemps notre royaume. N'en sortons pas encore. Qu'il nous tienne lieu de fiançailles, Hervé. Votre voix, pour dire ce prénom dont n'use personne, votre voix dans la nuit. Et je m'aperçois que mon cœur était vide et que le voici comblé. Prenez cette bague. C'est la première fois que je m'en sépare depuis 20 ans. Vos mains tremblent, Marie. Qu'avez-vous ? Peur. Pour la première fois depuis 20 ans, peur pour deux. Jovin, le père de Ferrier. Eh bien, assassiné. Mon Dieu ! Quand ? Par qui ? Vite ! Il n'avait pas voulu se joindre à mon escorte. En passant près de son ermitage, j'entends des cris, des voix. Je donne un ordre, nous obliquons. J'arrive. Dieu vint. Le père ligoté qui s'abat, face contre terre. Mort ? Une balle tirée derrière l'oreille. Défiguré ? Non, souriant. Ferrier. Les meurtriers se sont enfuis à notre approche. Trois de mes hommes les poursuivent dans la nuit, mais en vain. Enfuis vers le sud ? Oui. Naturellement. Ah, Leblanc, comment avez-vous pu le laisser partir seul cette nuit ? Il ne voulait à aucun prix. Mais il n'était pas le maître de sa personne, il n'était pas le maître de sa mort. Lui, vous et moi représentons la France ici. Ces meurtriers viennent du sud, ils viennent des colonies allemandes. Ils l'ont choisi plutôt que vous, plutôt que moi, parce que lui n'était pas armé. Et par notre faute. C'est un fait divers, Lieuvin, n'en faites pas un crime politique. C'est un acte de guerre. Ferrier est peut-être le premier mort de celle-ci. Et il était mon camarade. 10 contre un homme désarmé, c'est un assassinat. J'ai honte de vivre dans un monde où on assassine le père de Ferrier. Mais pourquoi n'ont-ils pas plutôt emmené en otage? Ils auraient pu tout obtenir de nous. Oui. Ils se sont affolés, l'un d'eux a tiré. Mon arrivée a du tout précipité. Oubliez ça, Leblanc. C'est une pensée avec laquelle il ne fait pas bon vivre. Il n'est pas seul. Il est mort. Il est seul. J'ai laissé 2 soldats. Les Noirs, de plus en plus nombreux, se faufilent jusqu'à son ermitage et demeurent consternés. On persuadait pourtant que le grand docteur Blanc va le réveiller. Schweitzer va avoir tellement de peine. De peine? De honte? La honte des survivants. Il tenait son carnet à la main. Vivre comme si tu devais mourir martyr aujourd'hui. Où allez-vous? Rendre à Ferrier les honneurs militaires. Donnez-moi d'abord 5 minutes. Mais les vivants passent avant les morts. N'importe quel vivant avant n'importe quel mort. C'est vrai. Excusez-nous. Vous avez pris connaissance des ordres? Des miens, oui. J'ai reçu copie d'une partie d'entre eux. Alors, votre choix est-il arrêté? Oui, depuis peu. Je pars. Vous? Eh bien, quoi d'étonnant? C'est la guerre, je suis militaire, je pars. Mais ce n'est pas le soldat qui parle en vous, c'est l'enfant qui joue à la guerre. Vous êtes des millions à travers l'Europe. Vous trompez, Leblanc, je ne joue pas à la guerre. Alors pourquoi partez-vous? Et vous, pourquoi me retenez-vous? Vous voici enfin seul maître de ce pays et vous voulez m'y retenir. Que s'est-il donc passé depuis la nuit dernière? Simplement cette phrase. Je ne veux pas jouer à l'île déserte. Ce qui signifie? Je ne veux pas me retrouver face à face avec Marie. Vous savez qu'avec les âmes de cette sorte, les absents ont toujours raison. Voilà donc tous les problèmes que la guerre pose pour vous. Les autres, on se charge de les résoudre à ma place et sans me donner le choix comme on vous le donne. Si ce pays vous importait, Lieuvin, vous resteriez. C'est en Lorraine que se joue le sort de l'Afrique. Mais croyez-vous qu'on manque de chefs de bataillon là-bas? Et puis, vous serez tenu d'obéir à des chefs moins valables que vous, cela vous rongera. Ce qui me ronge, c'est l'inaction. Mais l'action, libre, immédiate, productrice, elle est ici, malgré leur guerre, vous le savez bien. Eh bien, vous l'amènerez, vous, cette action. Vous avez confiance en moi? Que s'est-il donc passé depuis la nuit dernière? Rien. D'ailleurs, j'étais résolu à rester. Jusqu'à cette nouvelle que je vous ai annoncée. Mais la mort de Ferrier vous fait justement un devoir de rester. Pas d'éloquence, Leblanc. Je sais que c'est là-bas que je remplace Ferrier, pas ici. Vous voulez le venger? Non, pas la vengeance. Mais Marie vient de le dire. La honte de survivre. Vous allez rire, Leblanc. Il y a 20 ans, Ferrier a voulu se battre à ma place. Je lui dois aujourd'hui de me battre à la sienne. Eh bien, sa place est ici. Ne laissez pas cette région complètement abandonnée. Non. Elle garde Schweitzer? Non. Le docteur quitterait l'Afrique? Le docteur est alsacien, c'est-à-dire sujet allemand. Il sera arrêté ce soir avant minuit. Vous êtes fou, Leblanc. Voici l'ordre. Vous n'allez pas exécuter cet ordre. Certainement si. Je vous l'interdis. De quel droit? Du droit. Mais voyons, Leblanc, vous serez désavoué par le monde entier. Le monde entier est en guerre et se moque de Schweitzer. Déchirez cet ordre, je vous couvrirai. Mais demain, vous serez parti. Aujourd'hui, vous êtes vice-roi, mais demain, un obscur chef de bataillon. Et si je restais? Je vous donnerai cet ordre à exécuter, Lieuvin. Vous en répondriez. Vous savez bien que je ne l'exécuterai pas. Tant mieux. Alors ne soyez pas hypocrite. Pensez à Schweitzer. Pensez à Marie. C'est vous qui me le conseillez maintenant. Elle vous méprisera. Non, elle méprisera ceux qui ont donné cet ordre. Vous respectez ces gens-là? Non. Alors désobéissez-les. Non, Lieuvin, je suis de la race qui ne respecte pas mais qui obéit. Marie vous méprisera? Si elle est de votre race, mais j'en doute. Je la comprends mieux que vous, puisqu'elle ne m'aime pas. Et moi, je l'aime assez pour affronter son mépris. Elle ne s'y trompera pas toujours. Et moi, j'ai assez de confiance en elle pour partir. Quand je reviendrai... Ah, parce que vous pensez revenir. Tous. La mort, c'est bon pour les autres. Et quand vous reviendrez, vous défilerez sous l'arc de triomphe et ni vous, ni vos amours n'auront vieilli. Eh bien non, Lieuvin. Si vous en revenez, vous ne retrouverez rien, ni personne intact. Et dans l'année même, vous penserez que c'était le bon temps. Celui où votre seul souci était de tuer les hommes. Et les autres, dans l'année même, penseront que les héros ne sont acceptables qu'à condition de mourir à la guerre. Vous avez sans doute raison. C'est donc par charité que vous voulez me retenir? Non, je vous l'ai déjà dit, je vous crains davantage absent que présent. Ma décision est prise. Ferrier m'attend. Vous prendrez soin de cette région, Leblanc? Ce n'est pas encore l'heure du testament. Vous reviendrez cette nuit. Marie connaît-elle seulement votre nouvelle décision? Si elle ne s'en doutait pas à présent, c'est moi qui douterais d'elle. Je reviendrai demain. Le commandant va partir, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne lutterez même pas. Vous êtes déjà passé au camp adverse. Avec ceux qui sacrifient le bonheur à de grands maux. C'est donc si difficile de rester humain. Le commandant et moi avons changé au même instant. À la nouvelle que vous nous apportiez. Il n'y a rien de plus humain. Mais je n'admets pas que la mort d'un homme pèse sur le destin des vivants. Que la décision du commandant me soit odieuse et que je m'y oppose, c'est cela qui pèserait sur notre destin. Cela seulement. Quelle confiance. Confiance, oui. Tellement confiance en vous aussi que je ne demande pas pourquoi, contre toute logique, vous cherchez à retenir ici le commandant. Simplement parce... Je sais. Je vois clair en vous. Parce que nous sommes de la même race, mais pas lui. Croyez-vous que s'il pouvait rester ici en vous en chassant, il le ferait? Sans doute. Vous vous trompez. Car il en a les moyens, et c'est lui qui s'en va. Quels moyens? Une lettre de commandement absolu. Je l'ai vue. Quelle générosité. C'est donc qu'il ne me craint absolument pas. C'est qu'il a absolument confiance en moi. Mais cette confiance vous enchaîne. Vous tomberez donc dans tous les pièges. Peu importe le piège, pourvu qu'il me retienne. Il vous dévorera, Marie. Ne prononcez plus jamais le mot bonheur. Je mettrai donc ma joie ailleurs, comme lui, comme le docteur Schweitzer. Et personne ne me la ravira. La joie du docteur Schweitzer va lui être ravie. J'ai ordre de l'arrêter avant minuit comme sujet allemand. Quoi ? Méprisez-moi. Je vous plains seulement. Si l'on ferme l'hôpital, et si vous ne pouvez rejoindre l'Europe, qu'allez-vous devenir ? Laissez-moi prolonger cet instant. Cet instant où je ne pensais pas d'abord à moi. Vous pensez à Liévin ? Non. Au docteur Schweitzer. Pensez aussi à moi qui dois le prévenir. Hervé. Oh, Hervé. Mon petit. Pourquoi es-tu sorti de ton lit? Pourquoi ne dors-tu pas? Tu as peur, mais de quoi? De cette âme d'âme toute la journée? De ce silence à présent? Mais il ne faut pas t'effrayer, mon chéri. Il y a le grand jour et puis la nuit. Le tumulte et puis le silence. Hier, tu avais mal, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu n'as plus mal? Et c'est toujours ainsi, petit homme. L'attente et le regret, la joie et puis peut-être le désespoir. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Mais tu t'apaises. Tu vas dormir. Te laisseras-tu prendre au piège, toi aussi? De l'orgueil au désespoir et du désespoir à l'orgueil sans cesse. Ou bien sauras-tu choisir et aller droit ton chemin d'homme? Alors, rappelle-toi toujours le grand docteur qui t'a guéri et le père tout blanc qui t'embrassait ce matin. Tous deux souriaient, petit homme. Souriaient jusqu'à la dernière minute. Il n'y a que cela qui compte, ma petite âme. Sourire. Il avait mal? Il avait peur. C'est aussi un mal. On tuera les enfants dans ce pays et nous n'y pourrons plus rien. Le père, ni moi. Allez, qu'il dorme paisiblement sa dernière nuit ici. Docteur. Avant minuit, avez-vous dit? Monsieur Leblanc, qu'allez-vous faire pour eux? C'est la question que m'a posée le commandant Liévin. Et aussi le père de Ferrier, de sa bouche immobile. Que voulez-vous que je réponde, docteur? Répondez tout ce que je pourrai. Mais que pourrais-je? C'est une mauvaise réponse. Ah, monsieur Leblanc, mon absence va compliquer votre tâche. Ce n'est pas moi que vous arrêtez, c'est la lèpre, le sommeil, la malaria que vous libérez. Je sais que la mort va regagner du terrain. Oui, la douleur surtout, et c'est un despote plus terrible que la mort. Les Noirs la ressentent peut-être moins intensément que nous. Mais c'est faux! Je vous le jure. Et l'ignorance de ce qui va leur arriver double leur angoisse. Croyez-moi, monsieur Leblanc, ils n'ont pas plus envie de mourir que vous. Mais ils se sont bien passés de médecins durant des siècles. Et que serait-il arrivé dans votre famille si l'on avait dû s'y passer de médecin depuis seulement 10 ans? Oh, à quoi bon discuter? Où sont les adversaires? Il y a nous trois d'une part et d'autre part, cette décision sans visage. D'un côté, l'irresponsabilité, et de l'autre, des hommes qui vont mourir. Oui, c'est bien la guerre. Vous vous rappelez, mademoiselle Marie? La nuit dernière, nous parlions du temps qui passe. En voici peut-être l'unité de mesure. Les dernières minutes qui nous restent à vivre libre. Voilà. L'orage vient de cesser d'un seul coup. Et la forêt respire profondément. Jusqu'aux entrailles. Au bord du Marigot, il y a une famille d'hirondelles. Elles me parlaient de l'Europe. Désormais, elles me parleront de l'Afrique. L'Afrique. Ma patrie. Tout près d'ici, il y a un massif de bois de rose et un plus grand massif d'okoumé. Et entre les deux, le tertre du cimetière. Le cimetière. Voilà tout ce qui demeurera reconnaissable quand les termites auront dévoré cet hôpital. Quand la forêt aura tout effacé. Écoutez. Rien. Tout dort. C'est le silence heureux des corps bien portants. Je suis quitte avec tous ceux qui m'ont été confiés, qui sont ici, parfaitement quitte. Et pourtant, je ne puis en accepter aucun de plus. Monsieur Leblanc, il y a une lanterne au débarcadère. Elle guide vers l'hôpital ceux qui viennent de loin. Voulez-vous aller la retirer? Oui. C'est à vous qu'il appartient de souffler cette flamme. Mon Dieu, je remets tout ceci entre vos mains. 300 malades guéris et aussi un mort, parce que je ne suis qu'un homme. Je devrais m'en remettre à vous et accepter en toute confiance, et pourtant, j'étouffe d'amertume et j'étouffe d'inquiétude. Parce que je ne suis qu'un homme. Oh, mademoiselle Marie. Parmi tous ces soucis, je ne vous compte pas. Je sais que le comédien, le commandant Lieuvin, part pour l'Europe. Et je crois que le commandant et vous... C'est vrai. Mais vous le rejoindrez donc bientôt. Non. Je reste à l'hôpital. Sans médecin, mais comment pourriez-vous? Je maintiendrai. Je tâcherai de maintenir. Ouf. Non, ne me découragez pas, docteur. Non, ne me remerciez pas longtemps. Si. Dans ma ruine, vous me laissez quelqu'un à qui penser, c'est l'essentiel. Oui, l'essentiel. Écoutez, les dernières paroles que j'ai reçues du père Charles. Dites-lui que je pense à son âme. Surtout, dites-le lui cette nuit. De qui parlait-il? Vous le savez.